Quatrième partie, chapitre 13 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 13, des consolations spirituelles et sensibles et de l'usage qu'il en faut faire. Dieu ne fait subsister ce grand monde que par de perpétuelles vicissitudes des jours et des nuits, des saisons qui succèdent les unes aux autres et des différents temps, soit de pluie ou de sécheresse, soit d'un air doux et serein, ou de vent et d'orage, qui font que presque jamais les jours ne se ressemblent parfaitement. Admirable variété qui donne une grande beauté à tout cet univers. Il en est de même de l'homme que les anciens ont appelé un abrégé du monde. Jamais il n'en est un même état. Sa vie s'écoule sur la terre, comme les eaux d'un fleuve, dans une perpétuelle variété de mouvements, qui s'élève par de grandes espérances, et puis qui l'abaisse par la crainte, qui le pousse tantôt à droite, par la consolation, et tantôt à gauche, par l'affliction. De sorte que jamais une seule de ses journées, ni même une de ses heures, n'est entièrement semblable à l'autre. C'est donc à nous de conserver parmi une si grande inégalité d'événements et d'accidents, une continuelle et inaltérable égalité de cœur, et de quelque manière que les choses tournent et varient autour de nous, demeurons immobiles et toujours constamment fixés à ce point unique de notre bonheur, qui est de ne regarder que Dieu, d'aller à lui et de ne rien prétendre que lui-même. Que le navire prenne telle route que l'on voudra, qu'il cingle à l'Orient ou à l'Occident, au Midi ou au Septentrion, avec quelque vent que ce soit, jamais l'aiguille marine, qui doit régler sa route, ne regardera que l'étoile du pôle. Que tout se renverse autour de nous et en nous-mêmes, c'est-à-dire que notre âme soit triste ou en joie, dans l'amertume ou dans la consolation, en paix ou en trouble, dans les ténèbres ou dans la lumière, dans la tentation ou dans le repos, dans le goût de la dévotion ou dans le dégoût, dans l'état de la sécheresse ou dans celui d'une tendre dévotion, qu'elle soit comme une terre ou brûlée par le soleil ou rafraîchie par la rosée. Ah, il faut toujours que notre cœur, notre esprit et notre volonté tendent invariablement et continuellement à l'amour de Dieu son Créateur, son Sauveur, son unique et souverain bien. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, dit l'apôtre, nous sommes à Dieu, et qui nous séparera de son amour? Non, jamais rien ne nous en séparera, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la mort, ni la vie, ni la douleur présente, ni la crainte des accidents futurs, ni les artifices du malin esprit, ni l'élévation des consolations, ni l'humiliation des afflictions, ni la tendresse de la dévotion, ni la sécheresse du cœur. Rien de tout cela ne nous doit jamais séparer de la sainte charité qui est fondée en Jésus-Christ. Cette résolution si absolue de ne jamais abandonner Dieu ni son doux amour sert de contrepoids à nos âmes pour leur donner une sainte égalité parmi la variété de tant d'accidents qui sont attachés à notre vie. Car comme les abeilles surprises du vent prennent de petites pierres pour se pouvoir balancer en l'air et résister plus facilement à son agitation, ainsi, notre âme s'étant consacrée à Dieu par une vive résolution de l'aimer, subsiste toujours la même parmi les vicissitudes des consolations et des afflictions, soit spirituelles ou temporelles, soit intérieures ou extérieures. Mais, outre cette instruction générale, nous avons besoin de quelques règles particulières. Petit 1, je dis encore que la dévotion ne consiste pas en cette suavité, ni consolation sensible et douce tendresse de cœur, qui excitent les larmes et les soupirs, et qui nous font de nos exercices spirituels une occupation agréable. Non, Philothée. La dévotion et ses douceurs ne sont pas une même chose, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui, les ayant, ne laissent pas d'être fort vicieuses, et qui, par conséquent, n'ont aucun vrai amour de Dieu, et beaucoup moins aucune vraie dévotion. Saoul, poursuivant le pauvre David jusque dans les déserts pour le faire périr, entra seul en une caverne, où David, qui était caché avec ses gens, eût pu facilement s'en défaire, mais il ne voulut pas seulement lui en donner la peur. Il se contenta, après l'avoir laissé sortir tranquillement, de l'appeler pour lui faire connaître ce qu'il aurait pu faire et pour lui donner encore cette preuve de son innocence. Eh bien, que ne fit pas Saoul pour marquer à David que son cœur était attendri? Il l'appela son enfant, il pleura tendrement, il le loua de sa débonnairité, il pria Dieu pour lui, il publia tout haut qu'il régnerait après sa mort, il lui recommanda sa famille. Pouvait-il faire paraître une plus grande douceur et tendresse de cœur? Cependant, son cœur n'était pas changé, et il ne laissa pas de continuer à persécuter cruellement David. Il se trouve aussi des personnes qui, considérant la bonté de Dieu et la passion du Sauveur, sentent de certains attendrissements de cœur qui leur font jeter beaucoup de soupirs et verser bien des larmes, parmi des prières et des actions de grâce fort sensibles, si bien qu'on dirait qu'elles ont l'âme pénétrée d'une grande dévotion. Mais quand on en vient à l'épreuve, l'on voit que comme les pluies d'un été bien chaud, lesquelles sont passagères, tombent à grosses gouttes sur la terre, ne la pénètrent point et ne servent qu'à produire des champignons, l'on voit, dis-je, que ces larmes si tendres, tombant sur un cœur vicieux et ne le pénétrant point, lui sont tout à fait inutiles. Car ces gens-là n'en relâcheraient pas un seul liard de tout le bien qu'ils possèdent injustement, ne renonceraient pas à la moindre de leurs mauvaises inclinations et ne souffriraient pas la moindre incommodité pour le service de Jésus-Christ sur qui ils ont pleuré. Et tous ces bons mouvements de leur cœur n'ont été que de faux sentiments de dévotion, semblables aux champignons qui ne sont qu'une fausse production de la terre. Or, ce qui est plus déplorable, c'est qu'une âme trompée par les artifices de l'ennemi s'amuse de ces menues consolations et en demeure si satisfaite qu'elle n'aspire plus à la vraie et solide dévotion qui consiste en une volonté constante, prompte et active, de faire ce que l'on sait qui plaît à Dieu. Un enfant pleurera tendrement s'il voit donner un coup de lancette à sa mère pour la saigner, mais si, en même temps, sa mère lui demande une bagatelle qu'il tient en sa main, il ne la lui donnera pas. Telles sont la plupart de nos tendres dévotions lorsque, voyant le cœur de Jésus-Christ crucifié, percé d'un coup de lance, nous versons beaucoup de larmes. Hélas, Philothée, c'est bien fait de pleurer sur la mort et la passion douloureuse de notre Père et de notre Rédempteur. Mais pourquoi donc ne lui donnons pas notre cœur et notre amour que ce cher Sauveur nous demande? Que ne lui sacrifions-nous ses inclinations, ses satisfactions, ses complaisances, qu'il nous veut arracher du cœur et dont nous aimons mieux faire nos délices que de sa sainte grâce? Ah, ce sont là des amitiés d'enfants tendres, il est vrai, mais faibles, mais fantasques, mais sans effet, et qui ne procèdent que d'une complexion molle et susceptible des mouvements qu'on veut lui faire prendre, ou quelquefois des impressions artificieuses de l'ennemi sur notre imagination. Petit 2, ces affections tendres et douces sont cependant quelquefois utiles, car elles donnent à l'âme le goût de la piété, confortent l'esprit et ajoutent à la promptitude de la dévotion une sainte gaieté qui rend nos actions plus agréables, même à l'extérieur. C'est ce goût que l'on a des choses divines sur lequel David s'écriait « Ô Seigneur, que vos paroles ont de douceur pour moi. Elles sont plus douces à mon cœur que le miel à ma bouche. » Certes, la plus petite consolation que nous recevons de la dévotion vaut mieux en tout sens que les plaisirs du monde les plus exquis. C'est ce lait qui nous représente les faveurs du divin époux et que l'Écriture préfère au plus excellent vin, qui en a goûté une fois, ne trouve plus que du fiel et de l'absinthe en toutes les consolations humaines. Oui, comme ceux qui ont un peu de l'herbe scythique en la bouche en reçoivent une si grande douleur qu'ils n'ont ni faim ni soif, de même, ceux à qui Dieu a donné la manne des consolations célestes et intérieures ne peuvent plus ni désirer ni recevoir celles de la terre, du moins pour y prendre goût et en occuper leur cœur. Ce sont des petits avant-goûts des suavités immortelles que Dieu donne aux âmes qui le cherchent, comme une mère attire son enfant avec des douceurs, ou comme un médecin fortifie le cœur d'une personne faible par des eaux cordiales. Et ce sont aussi quelquefois les arts de la récompense éternelle de leur amour. On dit qu'Alexandre le Grand, étant sur mer, jugea qu'il n'était pas éloigné de l'Arabie heureuse par la douce odeur dont l'air était pénétré, ce qui lui servit beaucoup à encourager toute sa flotte. Et voilà comme les suavités de la grâce parmi tous les orages de cette vie mortelle nous font pressentir les délices ineffables de la céleste patrie à laquelle nous aspirons. Petit 3, mais direz-vous, puisqu'il y a des consolations sensibles qui sont bonnes et viennent de Dieu, et qu'il y en a d'autres inutiles, dangereuses et même pernicieuses qui viennent ou de notre complexion ou de notre ennemi, comment en pourrais-je faire le discernement? C'est un principe général, Philothée, que nous pouvons connaître nos passions par leurs effets, comme l'on connaît les arbres par leurs fruits. Le cœur qui a de bonnes inclinations est bon, et les inclinations sont bonnes si elles produisent de bonnes œuvres. Concluez de ce principe que si les consolations nous rendent plus humbles, plus patients, plus charitables, plus sensibles aux peines du prochain, plus traitables, plus fervents à mortifier nos passions, plus attachés à nos exercices, plus disposés à l'obéissance, plus simples en notre conduite, concluez, dis-je, Philothée, qu'indubitablement elles viennent de Dieu. Mais, si ces douces tendresses n'ont de la douceur que pour nous et qu'elles nous rendent curieux, aigres, pointilleux, impatients, opiniâtres, fiers, présomptueux, durs au prochain, et que, pensant être déjà de petits saints, nous ne voulions plus souffrir de direction ni de correction, concluez qu'indubitablement ce sont des consolations fausses et pernicieuses. Un bon arbre ne produit que de bons fruits. Petit 4, quand nous aurons ces 12 consolations, il faut premièrement nous humilier beaucoup devant Dieu. Gardons-nous bien de dire pour ses douceurs « Oh, que je suis bon !» Non, Philothée, ce ne sont pas des biens qui nous rendent meilleurs. Car comme je l'ai dit, la dévotion ne consiste pas en cela. Mais disons « Oh, que Dieu est bon à ceux qui espèrent en lui, à l'âme qui le cherche !» Qui a du sucre en sa bouche ne peut pas dire que sa bouche soit douce, bien qu'aussi cette consolation si douce soit fort bonne et que Dieu qui vous la donne soit très bon, il ne s'ensuit pas que celui qui la reçoit soit bon. Petit 2, reconnaissez que nous sommes encore de petits enfants qui avons besoin de lait, comme dit saint Pierre, parce que faibles et délicats que nous sommes, nous ne pouvons pas porter une nourriture plus solide et qu'il nous faut quelque douceur pour nous attirer à l'amour de Dieu. Petit 3, après cette humiliation de nous-mêmes, estimons beaucoup ces grâces, non pas pour ce qu'elles sont en elles-mêmes, mais parce que c'est la main de Dieu qui les opère en notre cœur, car si un enfant avait de la raison, il estimerait beaucoup plus les caresses de sa mère qui lui met des douceurs en la bouche que ses douceurs mêmes. Ainsi, Philothée, c'est beaucoup d'avoir ces 12 consolations, mais c'est beaucoup plus que Dieu veuille appliquer sa main infiniment amoureuse sur notre cœur, sur notre esprit, sur toute notre âme, pour les y occuper. Petit 4, après les avoir reçus avec humilité et avec estime, faisons-les servir aux intentions de celui qui nous les donne. C'est justement pour nous communiquer la suavité d'esprit envers le prochain et nous inspirer un plus doux amour pour lui-même. Nous devons donc avoir ce jour-là plus d'attention à observer ses commandements, à faire ses volontés et à suivre ses désirs. Petit 5, il faut outre cela renoncer de temps en temps à ses douces et tendres dispositions, détachant notre cœur du plaisir qui lui en revient, et protestant qu'encore que nous les acceptions avec humilité et que nous les aimions comme des dons de Dieu et des attraits de son amour, nous ne cherchons pourtant ni la consolation, mais le consolateur, ni la douceur, mais le doux esprit de Dieu, ni la tendresse sensible, mais celui qui fait les délices du ciel et de la terre. Que nous ne cherchons en un mot que Dieu seul et son saint amour, prêt de nous tenir à ce saint amour de Dieu, quoiqu'il ne dût jamais nous en revenir aucune consolation durant toute notre vie. Indifférent à dire également sur le calvaire ou sur le tabord, « Ô Seigneur, il est bon d'être avec vous, quelque part où vous soyez, soit sur la croix, soit en votre gloire. » Petit 6, enfin, je vous avertis que si ces consolations, ces sensibilités et ces larmes de joie étaient si abondantes, ou qu'il vous arriva quelque chose d'extraordinaire en cet état, vous en conferriez fidèlement avec votre directeur pour apprendre la manière de vous en servir et de vous y modérer. Car il est écrit « Si vous trouvez du miel, n'en mangez que ce qui vous suffit. » Fin du chapitre 13, quatrième partie.